tout devient un froid national, un pays infernal. À nous la petite mort. Allez, Adrien! Je suis cerné, je rêve d'un été français, un été parfait, où rien ne pourra m'arriver. Pardonne-moi si ici tout devient froid national, un pays infernal. À toi, Adrien. Je veux t'entendre chanter derrière. Allez, Adrien, on y va. Quand je suis cerné, je rêve d'un été français, un été parfait, où rien ne pourra m'arriver. Pardonne-moi si ici tout devient froid national, un pays infernal. À nous la petite mort. Allez, Adrien. On va le faire une dernière fois pour mon petit neveu Adrien que j'adore. C'est un peu mon préféré. En souvenir du concert qu'on a passé tous les deux, Adrien, rappelle-toi, n'oublie jamais. Allez, quand je suis cerné, je rêve d'un été français, un été. Rien ne pourra m'arriver. Pardonne-moi si ici tout devient froid national, un pays infernal. À nous la petite mort. Voilà, c'était pour toi, Adrien. Je t'embrasse très fort, je t'aime très fort. Thank you. Thank you, RP. Merci d'être resté.